Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? T'as pas besoin de pleurer tout le temps comme ça. Non, pas tout le temps. Comment vas-tu, bou? Tu ne tiens plus debout. Tu as des larmes qui coulent, les hommes te rendent folle. Écoute, calme-toi et viens avec moi. Tu n'es pas la seule à souffrir. Quand je vois ces filles qui pleurent pour presque rien, ça me fait esquisser un sourire. Je te le promets, montons au sommet. Quand un homme te lâche, tu te sens assommé. Mais regarde, tu l'as forcé à te quitter. Ne dis pas à un homme qui peut se barrer, car il va t'écouter s'il peut plus te supporter. Et là, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et oui, ma belle, ne joue pas la rebelle, ne jette pas ses photos à la poubelle. Car tu l'aimes, même si les filles pleurent souvent, c'est toujours aussi charmant pour une façon de leur parler ou de se comporter. Les filles aiment pleurer, les filles pleurent tout le temps, ouais. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Tu as des rêves de princesse, mais quand tu ouvres tes yeux, c'est retour du stress. Elles aiment la douceur si sensible qu'elles peuvent pleurer pour une mauvaise note. N'en aie plus peur, une femme pleure quand elle est malheureuse et même quand elle est heureuse. Je te raconte pas quand elles sont amoureuses. Ces princesses pour s'endormir ont besoin d'une berceuse. Tellement de larmes versées quand son homme ne veut pas rentrer. Il préfère traîner avec ses potes. Chérie, reste cool, ne te mets pas en état de choc. Tu sors de ton lit en pleine nuit, personne à tes côtés, il te manque. Car vos deux corps sont comme des aimants. Tu l'appelles la peur au ventre. S'il ne décroche pas, je prévois des larmes en torrent. Assieds-toi et calme-toi, les filles pleurent tout le temps. Elles pleurent tout le temps. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Besoin de ta meilleure amie pour te consoler. Tellement sensible que tu arriveras à la faire pleurer. Deux femmes bras dans les bras en train de pleurer. Elle pleure quand elle boude, elle pleure quand elle s'énerve. Même quand son meilleur ami est trop froid avec elle, tu pleures de rire. Quand tu te sens libre, tu te sens vibre. Célibataire devant la télé, tu mates un film d'amour et tu les vois s'embrasser. Ému, tu laisses ta larme couler. Tu rêves d'un prince charmant, t'inquiète pas qu'il viendra en courant au bon moment. Même ma propre maman pleure souvent. Doucement avec les sentiments, ne ment jamais. Tu dois rester réel, tu n'as pas besoin d'être superficiel. Les filles pleurent tout le temps. Les filles pleurent tout le temps. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Des larmes sur tes joues, mon cœur est séduit. Tes yeux sont rouges car tu pleures pour tes ennuis. Stop crying, baby.